Galaxy 95.3. Galaxy, Pavla. We'll be right back. We'll be right back. money that's this one. To protect figures and ears, but low mass volume all the way. Then raise it to the side, level while playing the instrument. Pull the volume up to get a higher compression. Is it right, baby? Switch all off. The volume of any instrument, adjust her instrument volume as desired. And now we'll adjust the volume to one of 16 levels. I'm a disco dancer. Move your body. Move your body. Oh yeah. Move your body. Galaxy. You make me gun, don't want.

village de Noël sur la plage Jean Delvinquière de Wetterloo. Un programme d'animation riche et varié vous attend tout l'après-midi du 23 et 24 décembre. Manège, spectacle et enfin la descente du Père Noël en rappel du clocher de l'église Saint-Maclou. Sans oublier les nombreuses idées cadeaux proposées par les chalets artisanaux du village. Soutenez les réveillons de la générosité avec la Fondation de France. Vous avez jusqu'au 31 décembre au plus tard pour faire un don en faveur des personnes en détresse. Vous pouvez les adresser à Fondation de France, Opération Réveillon, boîte postale 22 75 362 Paris Sedex 08 ou sur www.fdf.org. L'entente des randonneurs waterloosiens organise la marche de l'entre-deux au départ du village de Beaulieu, 127 rue Loruste Waterloo, le jeudi 28 décembre à partir de 13h45. Plus d'infos, Office de Tourisme, 03 20 75 85 86 ou sur le site web ville-waterloo.fr. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres